Le fantôme de l'avare par Honoré Beaugrand. Vous connaissez tous, vieillards et jeunes gens, l'histoire que je vais vous raconter. La morale de ce récit, cependant, ne saura vous être redite trop souvent. Et rappelez-vous que derrière la légende, il y a la leçon terrible d'un dieu vengeur qui ordonne aux riches de faire la charité. C'était la veille du jour de l'an de grâce 1858. Il faisait un froid sec et mordant. La grande route qui longe la rive nord du Saint-Laurent de Montréal à Berthier était couverte d'une épaisse couche de neige tombée avant la Noël. Les chemins étaient lisses comme une glace de Venise. Aussi fallait-il voir si les fils des fermiers à l'aise des paroisses du fleuve se plaisaient à pousser leurs chevaux fringants qui passaient comme le vent au son joyeux de clochettes de leurs harnais argentés. Je me trouvais en veillée chez le père Joseph Hervieux, que vous connaissez tous. Vous savez aussi que sa maison, qui est bâtie en pierre, est située entre les églises de la Valtrie et de Lanoraie. Il y avait fête ce soir-là chez le père Hervieux. Après avoir copieusement soupé, tous les membres de la famille s'étaient rassemblés dans la grande salle de réception. Il est d'usage que chaque famille canadienne donne un festin au dernier jour de chaque année, afin de pouvoir saluer à minuit, avec toutes les cérémonies voulues, l'arrivée de l'inconnu qui nous apporte à tous une part de joie et de douleur. Il était 10 heures du soir. Les bambins, poussés par le sommeil, se laissaient les uns après les autres rouler sur les robes de buffle qui avaient été étendues autour de l'immense poêle à fourneaux de la cuisine. Seuls les parents et les jeunes gens voulaient tenir tête à leur avancée et se souhaitaient mutuellement une bonne et heureuse année avant de se retirer pour la nuit. Une fillette vive et alerte, qui voyait la conversation languir, se leva tout à coup et allant déposer un baiser respectueux sur le front du grand-père de la famille, vieillard presque centenaire, lui dit d'une voix qu'elle savait irrésistible « Grand-père, redis-nous, je t'en prie, l'histoire de ta rencontre avec l'esprit de ce pauvre Jean-Pierre Baudry, que Dieu ait pitié de son âme, que tu nous racontas l'an dernier. Mais ça nous aidera à passer le temps en attendant minuit. »« Oh oui, grand-père, l'histoire du jour de l'an !» répétèrent en chœur les convives, qui étaient presque tous les descendants du vieillard. « Mes enfants, » reprit d'une voix tremblotante l'aïeul aux cheveux blancs, « depuis bien longtemps, je vous répète à la veille de chaque jour de l'an cette histoire de ma jeunesse. Je suis bien vieux, et peut-être pour la dernière fois vais-je vous la redire ici ce soir. Soyez tout attention, et remarquez surtout le châtiment terrible que Dieu réserve à ceux qui, en ce monde, refusent l'hospitalité aux voyageurs en détresse. » Le vieillard approcha son fauteuil du poêle, et ses enfants ayant fait cercle autour de lui, il s'exprima en ces termes. « Il y a de cela 70 ans aujourd'hui. J'avais 20 ans alors. Sur l'ordre de mon père, j'étais parti de grand matin pour Montréal, afin d'aller y acheter divers objets pour la famille. Entre autres, une magnifique dame Jeanne de Jamaïque, qui nous était absolument nécessaire pour traiter dignement les amis à l'occasion du nouvel an. À 3 heures de l'après-midi, j'avais fini mes achats et je me préparais à reprendre la route de Lanoraie. Mon berlot était assez bien rempli et comme je voulais être de retour chez nous avant 9 heures, je fouettais vivement mon cheval qui partit au grand trot. À 5 heures et demie, j'étais à la traverse du bout de l'île et j'avais jusqu'alors fait bonne route. Mais le ciel s'était couvert peu à peu et tout faisait présager une forte bordée de neige. Je m'engageais sur la traverse et avant que j'eusse atteint Repentigny, il neigeait à plein temps. J'ai vu de fortes tempêtes de neige durant ma vie, mais je ne m'en rappelle aucune qui fût aussi terrible que celle-là. Je ne voyais ni ciel ni terre, et à peine pouvais-je suivre le chemin du roi devant moi, les balises n'ayant pas encore été posées, comme l'hiver n'était pas avancé. Je passais l'église Saint-Sulpice à la Brunante, mais bientôt, une obscurité profonde et une poudrerie qui me fouettaient la figure, m'empêchèrent complètement d'avancer. Je n'étais pas bien certain de la localité où je me trouvais, mais je croyais alors être dans les environs de la ferme du père Robillard. Je ne crus pouvoir faire mieux que d'attacher mon cheval à un pieu de la clôture du chemin et de me diriger à l'aventure à la recherche d'une maison pour y demander l'hospitalité en attendant que la tempête fût apaisée. J'errais pendant quelques minutes et je désespérais de réussir quand j'aperçus, sur la gauche de la grande route, une masure à demi ensevelie dans la neige et que je ne me rappelais pas avoir encore vue. Je me dirigeais en me frayant avec peine un passage dans les bancs de neige vers cette maison que je crus tout d'abord abandonnée. Je me trompais cependant. La porte en était fermée, mais je pus apercevoir par la fenêtre la lueur rougeâtre d'un bon feu de bois franc qui brûlait dans l'âtre. Je frappai, et j'entendis aussitôt les pas d'une personne qui s'avançait pour m'ouvrir. « Oh, qui est là, traditionnel ?» Je répondis en grelottant que j'avais perdu ma route, et j'eus le plaisir immédiat d'entendre mon interlocuteur lever le loquet. Il n'ouvrit la porte qu'à moitié pour empêcher autant que possible le froid de pénétrer dans l'intérieur, et j'entrai en secouant mes vêtements qui étaient couverts d'une couche épaisse de neige. « Soyez le bienvenu, » me dit l'hôte de la masure, en me tendant une main qui me parut brûlante, et en m'aidant à me débarrasser de ma ceinture fléchée et de mon capot d'étoffe du pays. Je lui expliquai en peu de mots la cause de ma visite, et après l'avoir remercié de son accueil bienveillant, et après avoir accepté un verre d'eau-de-vie qui me réconforta, je pris place sur une chaise boiteuse qu'il m'indiqua de la main au coin du foyer. Il sortit en me disant qu'il allait sur la route quérir mon cheval et ma voiture, pour les mettre sous une remise à l'abri de la tempête. Je ne pus m'empêcher de jeter un regard curieux sur l'ameublement original de la pièce où je me trouvais. Dans un coin, un misérable banc-lit sur lequel était étendue une peau de buffle devait servir de couche au grand vieillard aux épaules voûtées qui m'avait ouvert la porte. Un ancien fusil, datant probablement de la domination française, était accroché au soliveau en bois brut qui soutenait le toit en chaume de la maison. Plusieurs têtes de chevreuil, d'ours et d'orignaux étaient suspendues comme trophées de chasse aux murailles blanchies à la chaux. Près du foyer, une bûche de chêne solitaire semblait être le seul siège vacant que le maître de séance eut à offrir au voyageur qui, par hasard, frappait à sa porte pour lui demander l'hospitalité. Je me demandais quel pouvait être l'individu qui vivait ainsi en sauvage en pleine paroisse de Saint-Sulpice sans que j'en eusse jamais entendu parler. Je me torturais en vain la tête, moi qui connaissais tout le monde, depuis la Norée jusqu'à Montréal, mais je n'y voyais goutte. Sur ces entrefaites, mon hôte rentra et vint sans dire mot prendre place vis-à-vis de moi à l'autre coin de l'âtre. « Grand merci de vos bons soins, lui dis-je, mais voudriez-vous bien m'apprendre à qui je dois une hospitalité aussi franche? Moi qui connais la paroisse de Saint-Sulpice comme mon pater, j'ignorais jusqu'à aujourd'hui qu'il y eut une maison située à l'endroit qu'occupe la vôtre, et votre figure m'est inconnue. » En disant ces mots, je le regardais en face, et j'observais pour la première fois les rayons étranges que produisaient les yeux de mon hôte. On aurait dit les yeux d'un chat sauvage. Je reculai instinctivement mon siège en arrière, sous le regard pénétrant du vieillard qui me regardait en face, mais qui ne me répondait pas. Le silence devenait fatigant, et mon hôte me fixait toujours de ses yeux brillants comme les tisons du foyer. Je commençais à avoir peur. Rassemblant tout mon courage, je lui demandai de nouveau son nom. Cette fois, ma question eut pour effet de le faire quitter son siège. Il s'approcha de moi à pas lents, et posant sa main osseuse sur mon épaule tremblante, il me dit d'une voix triste comme le vent qui gémissait dans la cheminée. « Jeune homme, tu n'as pas encore 20 ans et tu demandes comment il se fait que tu ne connaisses pas Jean-Pierre Baudry, jadis le Richard du village. Je vais te le dire, car ta visite ce soir me sauve des flammes du purgatoire, où je brûle depuis 50 ans, sans avoir jamais pu, jusqu'aujourd'hui, remplir la pénitence que Dieu m'avait imposée. Je suis celui qui, jadis, par un temps comme celui-ci, avait refusé d'ouvrir sa porte à un voyageur épuisé par le froid, la faim et la fatigue. Mes cheveux se hérissaient, mes genoux s'entrechoquaient, et je tremblais comme la feuille du peuplier pendant les fortes brises du nord. Mais le vieillard, sans faire attention à ma frayeur, continuait toujours d'une voix lente. Il y a de cela 50 ans. C'était bien avant que l'Anglais eût jamais foulé le sol de ta paroisse natale. J'étais riche, bien riche, et je demeurais alors dans la maison où je te reçois ici ce soir. C'était la veille du jour de l'an, comme aujourd'hui, et seul, près de mon foyer, je jouissais du bien-être d'un abri contre la tempête et d'un bon feu qui me protégeait contre le froid qui faisait craquer les pierres des murs de ma maison. On frappa à ma porte, mais j'hésitais à ouvrir. Je craignais que ce ne fût quelque voleur qui, sachant mes richesses, ne vînt pour me piller, et qui sait, peut-être m'assassiner. Je fis la sourde oreille et après quelques instants, les coups cessèrent. Je m'endormis bientôt, pour ne me réveiller que le lendemain au grand jour, au bruit infernal que faisaient de jeunes hommes du voisinage qui ébranlaient ma porte à grands coups de pied. Je me levai à la hâte pour aller les châtier de leur impudence, quand j'aperçus, en ouvrant la porte, le corps inanimé d'un jeune homme qui était mort de froid et de misère sur le seuil de ma maison. J'avais, par amour pour mon or, laissé mourir un homme qui frappait à ma porte, et j'étais presque un assassin. Je devins fou de douleur et de repentir. Après avoir fait chanter un service solennel pour le repos de l'âme du malheureux, je divisai ma fortune entre les pauvres des environs en priant Dieu d'accepter ce sacrifice en expiation du crime que j'avais commis. 2 ans plus tard, je fus brûlé vif dans ma maison, et je dus aller rendre compte à mon Créateur de ma conduite sur cette terre que j'avais quittée d'une manière si tragique. Je ne fus pas trouvé digne du bonheur des élus, et je fus condamné à revenir à la veille de chaque nouveau jour de l'an, à attendre ici qu'un voyageur vint frapper à ma porte, afin que je pusse lui donner cette hospitalité que j'avais refusée de mon vivant à l'un de mes semblables. Pendant 50 hivers, je suis venu, par l'ordre de Dieu, passer ici la nuit du dernier jour de chaque année, sans que jamais un voyageur dans la détresse ne vint frapper à ma porte. Vous êtes enfin venu ce soir, et Dieu m'a pardonné. Soyez à jamais bénis d'avoir été la cause de ma délivrance des flammes du purgatoire, et croyez que quoi qu'il vous arrive ici-bas, je prierai Dieu pour vous là-haut. Le revenant, car c'en était un, parlait encore qu'en succombant aux émotions terribles de frayeur et d'étonnement qui m'agitaient, je perdis connaissance. Je me réveillai dans mon brelot, sur le chemin du roi, vis-à-vis l'église de la Valtrie. La tempête s'était apaisée et j'avais sans doute, sous la direction de mon hôte de l'autre monde, repris la route de la Norée. Je tremblais encore de frayeur quand j'arrivais ici à 1 heure du matin et que je racontais aux convives assemblés la terrible aventure qui m'était arrivée. Mon défunt père, que Dieu ait pitié de son âme, nous fit mettre à genoux et nous récitâmes le rosaire, en reconnaissance de la protection spéciale dont j'avais été trouvé digne, pour faire sortir ainsi des souffrances du purgatoire une âme en peine qui attendait depuis si longtemps sa délivrance. Depuis cette époque, jamais nous n'avons manqué, mes enfants, de réciter à chaque anniversaire de ma mémorable aventure un chapelet en l'honneur de la Vierge Marie pour le repos des âmes des pauvres voyageurs qui sont exposés au froid et à la tempête. Quelques jours plus tard, en visitant Saint-Sulpice, j'eus l'occasion de raconter mon histoire au curé de cette paroisse. J'appris de lui que les registres de son église faisaient en effet mention de la mort tragique d'un nommé Jean-Pierre Baudry, dont les propriétés étaient alors situées où demeure maintenant le Petit Pierre sans regret. Quelques esprits forts ont prétendu que j'avais rêvé sur la route. Mais où avais-je donc appris les faits et les noms qui se rattachaient à l'incendie de la ferme du défunt Baudry, dont je n'avais jusqu'alors jamais entendu parler? Monsieur le curé de la Norée, à qui je confiais l'affaire, ne voulut rien en dire, si ce n'est que le doigt de Dieu était en toute chose et que nous devions bénir son saint nom. Le maître d'école avait cessé de parler depuis quelques moments et personne n'avait osé rompre le silence religieux avec lequel on avait écouté le récit de cette étrange histoire. Les jeunes filles émues et craintives se regardaient timidement sans oser faire un mouvement, et les hommes restaient pensifs en réfléchissant à ce qu'il y avait d'extraordinaire et de merveilleux dans cette apparition surnaturelle du vieil avare, 50 ans après son trépas. Le père Montépel fit enfin trêve à cette position gênante en offrant à ses hôtes une dernière rasade de bonne eau de vie de la Jamaïque en l'honneur du retour heureux des voyageurs. On but cependant cette dernière santé avec moins d'entrain que les autres, car l'histoire du maître d'école avait touché la corde sensible dans le cœur du paysan franco-canadien. La croyance à tout ce qui touche aux histoires surnaturelles et aux revenants. Après avoir salué cordialement le maître et la maîtresse de séant et s'être redit mutuellement de sympathiques bonsoirs, garçons et filles reprirent le chemin du logis, et en parcourant la grande route qui longe la rive du fleuve, les fillettes serraient en tremblotant le bras de leur cavalier, en entrevoyant se balancer dans l'obscurité la tête des vieux peupliers. Et en entendant le bruissement des feuilles, elles pensaient encore, malgré les doux propos de leurs amoureux, à la légende du fantôme de l'Avare. Honoré Beaugrand.